Liberta, la mene prag je berda, vašte mato, ona berda. Liberta, la mene prag je berda, vašte mato, ona berda. Liberta, la mene prag je berda, vašte mato. Ta peine est comme mon poteau. Elle est chargée, ramène au parlo. Nique-les tous pour nos campinos. Je vois dans les îles, les couilles à Pablo. On a tenu le réseau, mais ça tu sais pas. J'ai pas de manager, hijo de puta. Pour mettre une seule sgababa. Campino c'est magique, toute ma team est là. Liberta, ramène les plats chez Berta. Wesh les matons, on a Berta. Liberta, ramène les plats chez Berta. Wesh les matons. Tu pleures dans la douche. Ça job l'hiver, ça met la capuche. Sur le capot, y'a son boule qui bouge. Bouge, bouge, capuche ou capuche. Comme mimique du check, mais où t'es passé. Le potentiel, il repense au passé. J'pourrais même poser sans couplet. Maintenant j'ai plus de cœur, on me la baisse les marges. J'suis rouvé, pas bouger, rentre pas les dégoûtés. J'suis la fusée, poupée, faut s'accrocher. Toi t'as choupé, je viens de Marseille, j'les baisse. Toi t'as l'aide. Ils veulent pas comprendre, j'vais percer baisse. Ils ont tupé pour du buzz, ils méritent des gifs. Campino va tout niquer. J'arrive en showcase, y'aura que la mif. Liberta, ramène les plaques, j'ai Berta. Wesh les mains.